Beat it. Vous gênez pas pour prendre des notes, j'ai pas l'habitude de raconter des bullshit. Vous aurez peut-être pas envie que ça se perde. Je suis the only one à faire ce que je fais. Et ceux qui font pas comme me prétendent que c'est parce que je suis pas in. Ils ont raison. Je rentre pas dans le moule. Mais quand je serai barré d'ici, vous saurez que c'est Walou, le roi du drum and bass. Maintenant, tu connais le nom de celui qui va te killer. Alors fais-moi plaisir, man. Meurs avec style. Pris un bon coup. Oh. Wesh, wesh. Wesh, cause. Face aux aristocrates, aux bankers, c'est leur société secrète. Je fais mon Socrate façon que bon, fier de sa crête. Chacun porte sa croix pour gagner sa croûte. Mais les vampires carottes décrètent la banqueroute. Ils boivent notre sœur et notre sang, sont de la même lignée. Des consanguins nous dirigent, fallait le souligner. C'est encourageant. Il n'y a pour le moment aucun signe montrant une agression. Wesh, wesh. Wesh, wesh, cause. Face aux aristocrates, aux bankers, c'est leur société secrète. Je fais mon Socrate façon que bon, fier de sa crête. Chacun porte sa croix pour gagner sa croûte. Mais les vampires carottes décrètent la banqueroute. Ils boivent notre sœur et notre sang, sont de la même lignée. Des consanguins nous dirigent, fallait le souligner. Toi tu taffes, t'es qu'un con en mission. Et quand tu pries tu râles, mais t'es qu'un con devant la commission trilatérale. Ta vie c'est le Titanic dans l'iceberg. Les Illuminati ethniques dirigent le groupe Bilderberg. Comme l'OMC, l'OTAN, le FMI. Et 99% des chefs d'État, n'importe quel parti. Ils ont créé toutes les monarchies, les colonies et ta patrie. Martial, terroriste, Wall Street et tes crédits. Je te parle de satanisme, c'est pas du rock'n'roll. Demande à David Rockefeller, c'est quoi son rôle. Restez vigilants, une pratique impunément, des techniques d'aveuglement. Transforme notre quotidien pour affaiblir notre rayonnement. Véhicule l'énergie négative dans notre environnement. Les taux se resserrent, tu vis comme sous serre. Le système se sert de toi comme un cerf. Dans ces serres acérées, tes viscères sont serrées. Ta vie sert à serrer, leur vie chère ulcérée. Les gens, restez vigilants, une pratique impunément, des techniques d'aveuglement. Transforme notre quotidien pour affaiblir notre rayonnement. Véhicule l'énergie négative dans notre environnement. Ils ont créé toutes les monarchies, les colonies et ta patrie. Marquage, terrorisme, Wall Street, c'est crédit. Je te parle de satanisme, les colonies et ta patrie. Marquage, terrorisme, Wall Street, c'est crédit. Je te parle de satanisme, colonies et ta patrie. Marquage, terrorisme, Wall Street, c'est crédit. Je te parle de satanisme. Je me suis mis à faire l'analyse du groupe et j'ai découvert qu'il y avait en inversé un message masqué. Message subliminaux.